You're listening to Cartel Records. On se connaît tous les deux depuis des années, mais c'est la première fois que vous venez me demander un conseil ou un coup de pouce. Alors, un peu de franchise. Vous avez repoussé mon amitié. Parce que j'avais trop peur d'être mon débiteur. Je voulais pas avoir de la nuit. Oui, je vois. Vous aviez le paradis en Amérique. Une affaire qui tournait, une bonne vie tranquille, la police et les tribunaux pour vous protéger. Vous n'aviez donc aucun besoin d'un ami. Aujourd'hui, vous venez pleurer chez moi. Mais est-ce que je vois un peu de respect? Est-ce que je sens un peu d'amitié? Combien vous me demandez? Qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous me parliez avec si peu de respect? Vous seriez venu à moi comme un ami? Et si par hasard un homme comme vous avait à se plaindre d'un ennemi, alors son ennemi deviendrait le mien. Soyez mon ami. Bon. Un jour... Mais ce jour ne viendra peut-être pas. Je vous demanderai de faire quelque chose pour moi. Mais... En attendant, je vous offre ce service. Répondez pas des tueurs. T'envoies moi écrit, t'as capté ou pas? Tu sens prêt? J'ai tué en silence. Tu sens prêt? Je fais ce que l'arme m'a appris. Je connais les prix, on se prend pas pour ce qu'on est pas. On se connaissait, on se connaît plus. L'orgueil est maladie. Je suis pas au bout de ma limite. Fuck my enemy, l'ami. Je suis de la première école, sans sérieux. Juste à moi à dire. Et c'est fait sur eux, ouais, on sait faire. À tout on s'est fait, nous on est fort. Jamais sans la famille, rayé plus fort dans l'effort. Laisse-moi faire, y'a rien à faire. Soir, j'aime les faire, à force. Ils sentiront la force de la rue. Pas de cri au score, que des cris muets. Constamment incriminé, peu de choses me divertissent. Style hostile, écoute ce qu'on dit. Mon tien a plus de valeur que l'air tu auras. Un homme averti, on vous dit ce style. Alors j'fais du sale avec plus de style. Arrête ton baratin, on n'est pas dans un bar à pute. C'est pour les anciens qui font les checks, c'est la répute. Crois-moi, Ray, on m'arrête plus. Je les attends en tournant. J'ai la tête d'un Ray qui tourne, ils sont pas au courant. J'annonce leur mort comme la coupure de DF. J'courais après le bénéf quand leur mère changeait leur couche. J'passe une couche, le gauche suffit à les coucher. Chez nous, on sort les armes pour tirer ou pour crosser. Le vécu n'a pas pris, seuls les vrais savent. Le buzz induit en erreur, tel Donald Trump. Trêve de plaisanterie, ce sont des plaisantins. T'es un voyou, toi, ta gueule, viens, je t'en présente un. Regarde comment on fait au pied du mur. Rien à foutre, chef de guerre, la rue t'allume pendant que tu joues au foot. Un homme averti, on vous dit ce style. Alors je fais du sale avec plus de style. Petit, arrête de croire que tu sais rapper. La cagoule chez nous, c'est ce qui nous fait déraper. À ce qui paraît, t'es VIP. Arrête donc les conneries. Chez nous aussi, on sait en faire de la trappe de merde qui t'a dit que je suis comme eux. Peu de choses au commun. Cartel de la boca ici, que de la bonne carne. Coup de paye et casse-toi. T'as pris ton buzz pour acquis, à part toi et moi. Dis-moi, y'aura qui? Ils ont rien. Ils croient connaître nos réactions, nos pulsions meurtrières à visage découvert. Trop parler pour les tuer. Pas de secret de polichinelle, je connais la recette. J'ai la bonne cuisine. Ils repartiront résignés, on sait où réside. Récidiviste, on a le vice, on voit qui divise. Un homme averti, on vous dit style. Alors je fais du sale avec plus de style. Rien à prouver, tout à trouver. Je me trouve le cul à faire entrer les ronds à la pierre. Ils caillent, dehors c'est la merde. La routine, ça rouillerait. Il reste fort, la roue tourne comme un paro. Ça vient de Paris, perle noire, le bonheur dans les yeux de ma mère. Je fais les choses bien, pour son honneur. J'ai les nerfs, je fume et je pousse. Il me faut de l'espèce, de l'espace, et puis c'est la sauce. Fais péter la sauce, plus de pute que de bon. La plupart sont fragiles, ça part de calibre, ils ne connaissent pas l'origine. La carrière virtuelle, ils se disent dingue, ils se disent dingue. Je me distingue, c'est qu'il dingue, c'est qu'il dingue. La vie n'est pas un film, mais la rue nous rend acteurs. Je relève les compteurs à l'heure où les blablateurs parlent de ce qu'ils n'ont pas fait hier ou tout à l'heure. Rien à prouver. Je me trouve tu à faire entrer les ronds à la pierre. You're listening to Cartel Records. Cartel.